les billets que je te paye, ton seul. Encore une année à me retrouver seul. C'est pas en m'excitant que je deviendrai ton cœur. C'est pas en baissant l'Asie que tu vas kiffer l'album. Patate, pomme de terre, j'ai pas le time pour te faire une balle par terre. Un homme sous terre, une heure suffit, une heure se fait. Tu meurs, tu vis. Choisis la première, la douleur est subie. T'as mal, la couleur est tenue. Entre le rouge et le noir, le sens de la folie, je l'ai happé. Sans briquet, au revoir. Polygame dans le game, pyromane dans le mal. C'est le côté double R qui peint. Je n'ai pas encore percé, mais c'est sûr que je vais te blesser par ces musiques. À chaque anniversaire, je sais que je m'approche de mon jour de décès. Assez la démarche au thé carré, casé, casé, casé, en place, écrasé. Toujours faire sans d'avancer, sans penser au passé. L'état de ta fête, c'est ta pour la fête. Un stade apparaît, une étape à faire. Un scandale, si je perds un champagne, si je gagne. Tu t'accompagnes avant que je l'accompagne.